Violette a les plus beaux cheveux de la terre et la manie de se les faire foutre. Foutre en cheveux? Oui, mon doux bougre, cela vous étonne? Même en aisselle, en yeux, en oreille, pour en téton. Elle a beau faire, sa gorge est trop dure et trop séparée. C'est bon pour aimer. Mais la perle, la voici. La petite Messaline s'étendait tout de son long, les jambes bien ouvertes. Et moi, mettant les pieds où je devais avoir la tête, je la en bouche. Puis la tête entre ses cuisses, je la gamahuchais d'importance. Pardieu. Tu rirais si tu pouvais être témoin de cette scène. Ce mouvement double de tête et de est impayable. Cependant, Monsieur Duret fournissait aux appointements et je mangeais d'autant. Nos sociétés de débauche, dont il n'était pas, m'amusaient assez. Un beau matin, je vais demander à déjeuner à une jolie coquine de notre intimité. Les valets sont toujours au diable, et je pénètre jusqu'à la chambre à coucher sans obstacle. Un bruit très significatif m'apprend qu'on est en affaire. Je me retirai quand j'entends « Assez, assez !»« Ah, révérend, assez !»« Ah, foutre !»« Bougre de moine !»« Ah, tu me feras mourir !» Par le cordon de Saint-François, répond le cafard, je veux achever ma douzaine, foutre! Il est des nôtres. Je saisis une écuelle pleine de rôtis sucrés. Je me campe en sentinelle en attendant qu'il ait chanté sa litanie. Alors, ouvrant les rideaux, Père en Dieu, lui dis-je bien humblement, ne voudrais pas ce julep? Vous me paraissez échauffé du sermon. Quel mon ami, quel ah, pardieu, celui du Turc n'y ferait rien. Qui fut sot sinon Père Ambroise, provincial de son ordre? Il était chargé d'une mission, et jamais pareil goupillon n'a exorcisé M. Satan. « Écoute, mon révérend, lui dis-je, je suis bon diable. Soyons amis, rassure-toi et buvons un coup. » Père Ambroise top à la proposition, se remet de son trouble. Alexandrine sonne, et le déjeuner nous apparaît. « Foutre, dit le moine en rut, voilà, mon cher, voilà cependant l'effet de nos garces de robe. » Sous ce froc que j'aborde, nous cachons des de fer et des cœurs de poule, par la crainte des supplices affreux qui nous attendent. Comment? Des supplices pour avoir une jolie femme? Et foutre, non, c'est pour la bêtise de se laisser prendre sur le fait. Nous sommes à peu près les plus honnêtes d'entre les capuchonnaires. Toujours pères à grandes manches furent honorés par les femmes, peut-être moins par les maris. Quoique, sacre Dieu, nous rendions de grands services dans un ménage. Tant que la pécadille est secrète, nous n'avons rien à redouter. Le cas mis au jour, on nous séquestre. Comment vous expédiez votre monde? Ma foi, autant vaut, nous les campons in passe. Moi-même, sacre Dieu, qui suis-je, bon diable? J'ai enseveli dans un cachot un jeune père qui s'était fait pincer chez la Dumas. Nous ne vivons que d'aumônes. L'hypocrisie nous est donc salutaire et nécessaire. Mille plats, bougres, autant de vieilles putains qui veulent aimer Dieu, parce que le monde ne les souffre plus, entretiennent notre feignantise. Mille fraudes, mille tours de passe-passe nous aident à leur escroquer de l'or, qui, décorant les autels de la superstition, alimentent les suppôts des vices. Car, foutre, je suis bon de compte, à commencer par moi, nous ne valons rien. Cependant, père, vous êtes avancé pour votre âge. Cela est vrai, mais écoutez pourquoi j'entrais à 19 ans dans le cloître, des fanatiques m'avaient monté la tête. Je voyais le diable en propre personne qui me talonnait. J'avais peur de ses cornes. J'en ai tant planté depuis que je me suis familiarisé avec les ornements de ce pays-là. Au nom de la sainte obéissance, on... J'étais grand et bien fait, je devins le bardache à la mode de la communauté. Mon... ne tarda point à se porter à ce degré d'éminence, où vous le voyez. Les contrôleurs ambulants de la sacrée hiérarchie faisaient la recrue pour le collège de Rome. Notre père général se mourait de consomption. On l'avait mis au... pour se refaire, foutu viande, n'en déplaise à madame... pour un Italien, mais il avait épuisé l'Italie. J'étais beau e parte ante et e parte poste. Cela veut dire de et de tête. Notre gardien me présenta. Le pauvre bougre est mort de chagrin de ce sacrifice. Le visiteur me prit la mesure, et je fus agréé. Amené à sa révérence éminente, elle me toucha le c'est la marque d'honneur, et j'entrai en exercice. Sacre Dieu, c'était un fier puant. Il était large comme un muide, mais j'étais de taille, je devins son mignon. Il fut grand inquisiteur de Tolède. Je le suivis. Ah, foutre la bonne vie! C'est là qu'il me fut permis de connaître les... le bon pays que l'Espagne. Il y a bien des fleurs à cueillir. Souvent elles sont blanches, mais un moine ne doit pas être si délicat. Je ne vous détaillerai pas tout ce dont je fus témoin. Combien de jolies filles nous avons enfermées comme juives et foutues comme chrétiennes. Nos culottes leur servaient de San Benito. et l'absolution se donnait à coups de « Ce qui me fâche, c'est qu'on en ait fait brûler une douzaine, qui s'avisèrent de faire les étroites ou qui voulurent jaser. Oh, la discrétion est une belle chose !» Père Nicole mourut de la mort des saints, de la vérole. Je rendis quelques services au cardinal Porto Correro. On me fit vicaire et de la provinciale. La vue de bougre m'ennuyait. Paris fourmille de cristalline. D'ailleurs, monté en grade, je n'avais plus rien à craindre. J'ai donc suivi mon goût. Voilà mon histoire et ma conclusion. D'où l'arrosame. Mes pères, les dévotes vous paient? Foutre, sans doute. J'en ai moi qui vous parle pour 100 pistoles par mois, sans compter le casuel. Je dirige et conscience. Comment, la confession? Foutaise, c'est là qu'on instruit une belle fille, que l'on tranquillise une scrupuleuse madame, et qu'en sortant de l'église, on lui donne pour pénitence l'avant-goût du bordel. Le sacré bougre de cafard me faisait frémir malgré ma scélératesse. Mes pères, on ne croit donc à rien chez vous? Je le savais bien, et je ne crois pas plus qu'eux, apparemment, mais je voulais approfondir la monstruosité de ces gens-là. Et, mon ami, vous êtes bougrement bête pour un homme du monde. Qui diable peut croire aux singeries qu'il invente? Je me fous de Scott comme de Saint-Augustin. Bien intrigué, bien boire, bien foutre, et vogue à la galère. La dévotion nous rapporte. Nous en dégoisons, nous abusons les vieilles, nous, les jeunes. Par Dieu, père, c'est bien pensé. Voilà des maximes très évangéliques. Mais vous oubliez un grand point. L'instruction et l'intendance des familles, foutre. C'est là où nous brillons, la nation bigote, gens imbéciles. Quoique traîtresse nous ait dévoués. Je vous l'ai déjà dit, nos armes dans le commencement sont la persuasion, la douceur, les inspirations du Très-Haut. Nous nous insinuons en serpent, nous élevons sur la base de l'humilité le triomphe de l'orgueil. D'abord complaisants, bientôt despotes, nos avis deviennent des décisions, des oracles auxquels il n'est pas permis de résister. Et n'avons-nous pas fabriqué les foudres du Père éternel pour punir les réfractaires? Voilà comment, en captivant les consciences, en faisant peur de Belzébuth, moins méchant que nous, cependant, nous sommes les maîtres des secrets, des biens d'une famille. Il y a dans une maison une jolie fille, je veux la foutre. Elle ne le veut pas, son arrêt est prononcé, un couvent la fera gémir de son trop de vertu. On veut marier sa sœur, son amant lui plaît, mais il me déplaît à moi, parce qu'il me méprise, ou seulement quelquefois, parce que je veux faire le mal pour le mal. Cela divertit le cœur d'un moine. Je répands des bruits sourds, il ne croit ni à l'échine de Saint Pantaléon, ni à la culotte de Saint Bonaventure. C'est un impie, il est exclu. Il se met à la raison, il paie. Il devient orthodoxe autant que Saint Dominique. Le fils unique est un jeune homme de la plus belle espérance. Il a de l'esprit, de l'élévation, des talents. Son père, dur comme tous les dévots, quoiqu'il ne soit pas les seuls, le laisse manquer d'argent, le met hors d'état de se soutenir. Il cherche des moyens, que sais-je. La fougue de l'âge le pousse à quelques sottises. Je conseille le sceptre de fer. Il le sait, il me déteste, bon. Cela vient à mes vues. Tout en feignant de l'excuser, je le rends plus coupable. Je le fais déshériter, enfermer, périr. Tout cela pour la plus grande gloire de Dieu. Et le barbare idiot que je bride par le nez croit avoir gagné le ciel, qu'il fait frémir ainsi que la nature. Une femme aimable et jolie est l'épouse d'un vieux coquin. L'espoir d'assouvir une vengeance déjà criminelle, une haine odieuse par son motif et ses effets, sa lubricité impuissante ou tel autre objet aussi louable, l'ont poussé à son infirme et débile décrépitude. Les jours de cette beauté s'écoulent dans les pleurs, ses nuits dans les privations et les sanglots. Trop heureuse encore si elle n'est obligée de recevoir des caresses dégoûtantes, qui en outrageant ses appas, révoltent son cœur. De souffrir un supplice réel, en corps comme en esprit, puisque jamais elle n'embrasse qu'une ombre. Ah, la jolie position pour moi! Cafard effronté, libertin audacieux, mon projet est formé. Elle se rendra à mes désirs. Je l'immolerai à ma passion, où elle est perdue, infâme, déshonorée. Goûts innocents, plaisir permis, bienséance nécessaire, pensée, parole, action, même indifférente, geste, regard, joie ou tristesse, tout sera empoisonné. Si elle n'est pas ma complice, elle sera ma victime. Elle vivra souillée à ses propres yeux ou périra dans les chagrins et couverte d'opprobre public. Mais foutre, buvons un coup. Ami, in vino veritas, sacre Dieu. N'allez pas révéler le secret de l'Église, vous vous en repentiriez. Qui, moi, mon père? Et comment, s'il vous plaît? Je ne dépends pas de vous autres. Vous n'en dépendez pas? Foutre, nous allons voir. Je suppose un instant que vous ayez été assez sot ou assez mal avisé pour nous insulter. « Vous êtes foutu, mon ami !»« Halte là, scélérat de moine !» s'écrie Alexandrine. « Tu fous comme un ange, mais ton cœur est atroce. Tu me fais horreur. Je me sauve, je ne veux pas t'entendre davantage. » « Morveuse !» dit Père Ambroise. « Cela ne sait pas son pain manger. Va-t'en, va-t'en, je ne t'en plus !»« Nous continuons. Crois-tu que nous t'attaquerons à force ouverte ?»« Pauvre sot, tu te sauverais, tu nous démasquerais. »« Non, nous commençons par nous informer de tous les gens estimables que tu connais. » Nous choisissons les plus faibles, dont la molle vertu, soumise aux préjugés, se fait des monstres exprès pour les combattre. On fait ton éloge. C'est bien dommage que tant de qualités soient gâtées par tel et tel défaut. Il sera toujours dirigé suivant la manie de l'auditeur bénévole. On sème ainsi peu à peu la froideur. On te suit pied à pied. On ne laisse échapper aucune occasion. Mais je ne donnerai aucune prise sur moi. Tu ne sais que ça. On te calomniera. Tu veux obtenir une place, former un établissement. Lettres anonymes inventées par le diable, qui en fit présent au premier cénobite, voleront de tous côtés. Nos partisans les répandront, les proclameront en secret, en les commettant. Les envieux les adopteront avidement et les mettront en crédit. Tes ennemis, tout homme en a, et ceux de mérite plus que les autres, en chériront. Mais je me défendrai peut-être, sans doute. Je crois même que tu persuaderas 100 personnes, qui te connaîtront particulièrement. Mais la voix publique sera toujours contre toi. Et à peine 30 ans de vie te suffiront-ils pour effacer l'impression qui t'aura perdu. Va, va, nous suivons à la lettre la maxime que l'ami Machiavel nous a léguée. Calomnier toujours, il reste au moins la cicatrice. Et la méthode est infaillible. Ma foi, père, je suis ravi, extasié. Je ne vous croyais pas si habile. Bon, bon, reprends le papelard. Ce ne sont là que nos éléments. Et si je te dévoilais les ressorts de cette politique qui nous a fait pendant si longtemps commander à la terre en roi des rois et faire disparaître à notre gré les souverains du trône ou du séjour des vivants. Ah, père de grâce, apprenez-moi de si belles choses. Par Dieu, qui sait, peut-être me ferai-je cordelier. Tu pourrais foutre plus mal t'adresser, mais écoute. Tu n'ignores pas qu'il fut un temps où la crasse ignorance enveloppa le monde, le fanatisme et la superstition régnèrent en souverain sur ces siècles heureux, âge à jamais mémorable et fortuné, où le froc commandait au diadème, où les Bernard, les François, les Dominique, puissants en voix, en poumons et en scélératesse, savaient émouvoir, exalter l'habile de l'imbécile chrétienté. Prophètes audacieux et menteurs, ils entassèrent des millions de croisés dans les sables de l'Égypte et de la Palestine et l'Europe, à leur premier signe ébranlé contre l'Asie, courut y chercher de vastes tombeaux. Tandis que les crédules habitants, devenus nos vassaux, laissaient dans nos mains assez de dépouilles pour élever la vraie Jérusalem, la Jérusalem immortelle et puissante, où devaient pulluler tous les vices de l'oisiveté, tous les crimes de l'ambition et de la cupidité. Alors tout man était saint, tout homme un peu éclairé, au-dessus de son siècle, excommunié. La liberté n'est plus. Nous poursuivons son ombre jusqu'au fond de l'âme, jusqu'au fond de la pensée. Heureux temps, ils changèrent, hélas. La philosophie parut, non pas cette tracassière verbeuse qui se traîne encore en rampant dans la poussière de l'école, mais cette lumière vive et fatale qui a dissipé les vapeurs du fanatisme et brisé les hochets de la superstition. Tels que les oiseaux de nuit, nous fûmes blessés de l'éclat du jour. Il nous terrassa, nous courûmes nous cacher dans ces asiles que le vulgaire respectait encore. Le rayon vengeur nous y suivit. On démêla notre âme, on dévoila nos ressorts, on approfondit notre politique. On démasqua nos mœurs et nos vices. L'univers conjuré se réunit pour nous abattre. Nous étions perdus, son mépris nous sauva. Notre métropole nous soutint. Il est une puissance dont l'orgueil est excessif et les prétentions sans bornes en imposent, quoique son autorité soit précaire et factice. Artificieuse autant qu'opiniâtre et politique, sa force est dans sa faiblesse. L'ignorance lui a donné l'être. L'astuce et la fourberie l'ont accrue. Les dissensions des princes et les intérêts anarchiques dont elle a su profiter l'ont rendue formidable. La persévérance et la hauteur l'ont maintenue. Ses excès l'ont affaiblie. L'art et la souplesse la soutiennent. Son chef longtemps modérateur, impérieux d'une aristocratie puissante, ne doit son crédit qu'à nous. Milice enthousiaste, ardente, immortelle et toujours renaissante. Perdue pour la chose publique, isolée d'esprit et de cœur, du reste des humains. Notre unique intérêt est notre agrandissement. Qui fait la gloire de ce vicaire fanatique? C'est sur nous qu'il fonde son empire. Aussi sommes-nous ses enfants, autant chéris que dévoués. Fraudes pieuses, spectacles indécents, farces coupables étaient autrefois révérées, mais leur règne a passé. Eh bien, notre marche est devenue plus secrète et plus sûre. nous avions à nous venger. Du fond de nos asiles, nous soufflâmes la discorde, nous fomentâmes ces guerres civiles qui ont inondé de sang l'Europe déchirée. Nos libelles, nos sermons séditieux, les séductions du confessionnal nous suffirent pour aiguiser les poignards. Et grâce à nos efforts, il fut universellement reconnu qu'il est permis, qu'il est sain de tuer un hérétique, c'est-à-dire notre ennemi. Ainsi le père massacra son fils, ainsi le fils arracha à son père la vie qu'il en avait reçue. Les forfaits ont produit des martyrs. Nous dévastâmes de fertiles contrées, nous versâmes sans danger des flots de sang. Nul mortel dévoué à notre vengeance ne put se dérober à nos coups. Ici les fils de Saint-Dominique font périr le dernier des Valois. Là ce d'Ignace immole Henri, que des philosophes osent encore pleurer. Les bûchers, le fer, les poisons nous servent tour à tour. Les victimes s'amoncellent, les bourreaux et les assassins sont fatigués. Les prisons regorgent d'innocents, et nous de sang, d'or et de volupté. Mais nous ne sommes pas rassasiés. L'esprit de commerce, qui s'est venu joindre à celui de domination, nous prodigue en vain les trésors du nouveau monde, dévastés par notre art et aussi bien que celui-ci. Notre avidité s'en irrite, et nos mœurs n'en sont pas adoucies. Le calme règne en apparence, mais il n'est que simulé. Nous sentons que nos richesses survivent à notre crédit. Les ambitieux promoteurs du despotisme, qui cependant haïssaient les rois, sont anéantis. Il nous faut bien rester dans le silence, mais non pas dans l'inaction. Nos complots se lient, notre âme sourdisse, nos ennemis nous attaquent avec les armes du ridicule. Ils s'abusent sur leur prétendue supériorité. Nous nous réservons bien d'autres ressources. Nous minons sans bruit. Tu es jeune, tu verras le fruit de nos travaux. Une révolution, éloignée peut-être, mais certaine, menace de nouveau le monde. Nous foulerons aux pieds ces hommes superbes, qui osent nous dédaigner. Nous commanderons encore, puissions-nous replonger les humains dans la barbarie, anéantir les sciences, arracher jusqu'aux germes funestes de cette philosophie perfide qui nous abreuve d'humiliation, élever enfin sur tant de ruines le nouvel édifice de notre grandeur. Alors un sceptre de fer régira l'univers, soumis à nos caprices, dévoué à nos plaisirs. Nous disposerons en sultan des mères, des femmes, des filles de nos esclaves. Et nous amènerons ces âmes avilies au point de regarder comme un bien leur déshonneur. Va, ces jours de gloire et de félicité s'avancent plus rapidement que ne le croient nos imprudents ennemis. Ils n'osent pas tenter le seul moyen de les reculer, celui de casser notre sainte milice et la hiérarchie puissante sous les drapeaux de laquelle nous servons, de nous arracher surtout ces richesses immenses qui nous rendent tout possible. Non, nous ne craignons rien de ce siècle vénal. Nous payons des protecteurs qui deviendront nos esclaves. Ils nous rendront au centuple ce qu'ils auront coûté. Par l'assemblée, Père, voilà qui est sublime. Quelle immensité de vue, quelle étendue de scélératesse, quel mystère d'iniquité. Je m'arrête, car Père Ambroise s'apercevait qu'il avait trop parlé, et fronçait le sourcil. Pour le dérider, j'attrape Alexandrine, qui dansait au milieu de la chambre. « Père, voulez-vous connaître le vrai type de la destinée des empires, l'instrument des révolutions, la boussole de l'univers ?»« Le voilà, dis-je, en mettant en évidence le « rebondit de la belle. C'est là que viennent aboutir les intrigues du sacerdoce, la morgue du sultan, le faste du mogol, les caprices du despote, les fureurs du tyran, les délires ambitieux du conquérant, les richesses des deux hémisphères. Foutre, je me sauve au milieu de la période, car Père Ambroise m'enlève Alexandrine et la jette sur son lit pour aboutir aussi. Je rentre chez Violette, le chagrin m'y attendait. Une régie avait chassé M. Duret des fermes générales. Nous n'avions rien aménagé. Nous devions, nous, c'est-à-dire elle, je lui conseillais de vendre ses meubles pour payer, et je me retirais pour ne pas gêner le déménagement. J'ai toujours aimé la musique. Je fis le même soir connaissance avec la Guimard. Cette bougresse-là est laide et joue comme une cuisinière, mais sa voix est belle, et quand elle ne chante pas faux, elle fait plaisir. D'ailleurs, elle fout comme une enragée. Ma réputation abrégea le cérémonial. Je convins de 6 coups par jour. Elle cassa au gage son porteur d'eau qu'elle avait éreinté, laissa reposer ses laquais et son coiffeur, et nous nous accordâmes à faire bourse commune, bien entendu que je n'y mettrais rien. Elle donnait des concerts, recevait des compagnes qui la grugeaient en la détestant, des musiciens d'assez mauvaise compagnie, et des gens de qualité amateurs qui n'ont pas même le mérite d'être bons. J'étais à causer, un après-souper, avec un virtuose célèbre et charmant, compositeur Cambini. Nous parlions de la révolution de la musique en France. Je l'écoutais avec avidité et je m'instruisais. Tout à coup, un de ces messieurs nous aborde. Quoi, vous parlez composition ? Pardieu, sans me flatter, je suis d'une bonne force. Je n'en doute point, lui dis-je en jetant un coup d'œil sur l'artiste, et je serais fort aise que vous nous donniez, à monsieur et à moi, quelques leçons. Volontiers, volontiers. Moi, je ne refuse jamais mes soins. Par exemple, monsieur veut composer un opéra, et il me demande le poème. Sa musique est faite. Apparemment, non pas. Comment ? Tant pis, jamais la musique ne va bien, quand on la compose pour des paroles. Cela gêne un musicien, il l'empêche de peindre. Son imagination est refroidie. Mais monsieur, il me semble... Il vous semble mal. Un orchestre morbleu, un orchestre, voilà tout ce qu'il faut. Suivit le Moline. Cela s'appelle faire un opéra. Les paroles ne sont jamais d'accord avec la musique. Mais aussi cela n'arrête point les effets. Moi, je tiens pour les effets. Ai-je raison, Cambini ? Monsieur le marquis, cependant, quand on veut exprimer un sentiment, l'amour par exemple, oui, il faut du chromatique. Beaucoup de fausses quintes. On relève cela par l'accord parfait. De là, on passe dans le ton relatif par la tierce mineure. Appuyez-moi une septième diminuée. Si le mode est mineur, grimpez au majeur. Semez-moi des bémols, accords de tierce, dominante, sexte et les doubles octaves. Pardieu, l'on module dans un tour de main. As-tu de la fureur dans ton opéra ? Beaucoup, monsieur le marquis. Ah, oh, pardieu, tu vas voir. Mesure à quatre temps, battu bien ferme. Pour le récitatif, ad libitum, avec accompagnement obligé. Ensuite, un chœur en fugue, à deux sujets bien sortants l'un et l'autre, parce que cela marque la dispute, le conflit de juridiction. Surtout que cela crie comme le diable. Il faut que l'on entende un chœur, peut-être. Ensuite, un grand silence. C'est imposant, ça, hein ? Un trois temps bien tendre, pour faire le contraste. Tu m'entends bien ? Il n'y aurait pas de mal, dit maître des timbales. Ensuite, le héros se fâche en allegro, avec quatre bémols à la clé. Il faut qu'il fasse une tenue de 10 mesures pour lui rassurer la poitrine. Pendant ce temps-là, l'orchestre va le diable. Puis ton héros fait des roulades pour se reposer. Il veut qu'on l'entende, et non, morbleu, que l'orchestre l'écrase. Et si ce diable de Legros perce encore, on y mettra du tonnerre. Ah, ce que je te recommande, c'est une basse bien ronflante, que tout cela marche. Et mes airs de danse, monsieur le marquis ? Oh, pour cela, il nous faut du noble. Un grand beau morceau de flûte avec des variations pour la commodité de Salentin. Et puis un point d'orgue avec des roulades. Il serait long pour faire un peu gigoter Gardel. Tu ne sais pas comment sortir de là ? Ma foi, non. Un tambourin, bordieu. Un tambourin, il n'y a que ça pour qu'on s'en aille gaiement. Ah, ça, bonsoir. Ah, cervelle du diable, maudit empoisonneur. Coglione, coglione. Là, là, tout doux, Cambini, lui dis-je. Eh bien, mon ami, voilà qui vous juge, et sans appel encore. Nous rejoignîmes la compagnie à qui le marquis avait déjà fait confidence de ses bontés pour nous, en briguant des voix pour la première représentation, encore que l'on suivit ses avis. Je passais ainsi ma vie au milieu des talents et des ridicules. Mais ma bougresse m'ennuyait. Elle jure comme un charretier. Pas la moindre ressource avec elle. Elle ne sait que foutre, encore brutalement. Un dernier trait me la fit planter là.